attendait le cœur serré. Le dernier bateau du courrier. La mer n'était pas souvent d'huile entre Molène et Belle-Île. Les cheveux noués dans un foulard, elle attendait au pied du phare. Un bruit de moteur ou de voile, du matin jusqu'aux étoiles. Elle entendait au fond du vent, comme un espoir du continent. Avec les marées de l'automne, c'est fou ce que le cœur frissonne. C'est fou ce qu'une femme entend. La mer lui renvoyait ses peines dans la chanson des sirènes. Elle entendait au fond du temps comme un appel de l'océan. C'est pas d'hier qu'avec l'automne les marées lassent le cœur des hommes. C'est fou ce qu'une femme entend.